jumeaux. Nos flots sont plus beaux. Salope, on te baise sur ton bureau. Ouais, je petit frère, pendant les 12 mois c'est l'hiver. Sortez les minerves, c'est Alka et Kisser. C'est le 9-1 dans toute sa splendeur. Bouge pas de l'underground, t'auras des touches qu'à dans le cœur. Depuis qu'on a la morvonnée, on est désordonné. Chiennasse, viens prendre mes coordonnées. Pétasse, t'as qu'à bouffer des petits zizi. Vu que tu souffras jamais la hug de P. Diddy. Y'a plus de solidarité, ça se fait hospitaliser. On allume le feu comme Johnny Hallyday. Si, si. Faut dynamiter la grande porte. On abandonne pas, on est en forme. On veut du cash dans l'enveloppe. Puissance optimale, joue pas les gros ritales. Yeah. Bellec à cause d'une Lolita, tu vas à l'hôpital. C'est Alka, on t'apporte un doux cocktail. J'ai la jura parce que j'ai passé tout le mois du Dojek. C'est satanesque. Rahba, garde la pêche, on a la paille et la canne à pêche. Qui sert Alka, on t'apporte un doux cocktail. J'ai la jura parce que j'ai passé tout le mois tout au Diex. C'est satanesque. Rahba, garde la pêche, on a la paille et la canne à pêche. Rien que du fils, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de vertu. Dans les quartiers chauds, le taf sert seulement de couverture. La rue laisse des séquelles, constate qu'on n'a pas la police. Rien que des bavures, y'a grave tu tapes dans la police des polices. J'veux pas rester en France, elle nous vend en tant qu'un truc. Les zéros de mon chèque, un truc. Finir chaque loin, un coin de rue. Dans ce pays de cocaine, trop carburant à la cocaïne. Moi c'est whisky coca, et j'suis invincible comme Hulk Hogan. Écoute ma clique, on est half-fit comme les pieds nickelés. Si tu crames des indiques, en train de nous les pieds nickelés. Qui sert Alka, on claque la mâchoire. Ferme ta chatte, sors les mouchoirs. Si t'es un mouchard, bandit ce qui nous fait bander. Les misses aux allures mignonnes. Soulever un porte à millénium ou une plaquette aux aluminium. Donc, j'vais baisser cette franchise gracieuse. Pire que si j'avais autour de ma bite disgracieuse. Qui sert Alka, on t'apporte un doux cocktail. J'ai la jura parce que j'ai passé tout le mois tout au Diek. C'est satanesque. Rahba, garde la pêche, on a la paille et la canne à pêche. Qui sert Alka, on t'apporte un doux cocktail. J'ai la jura parce que j'ai passé tout le mois tout au Diek. C'est satanesque. Rahba, garde la pêche, on a la paille et la canne à pêche. On t'apporte un doux cocktail. J'ai la jura parce que j'ai passé tout le mois tout au Diek. C'est satanesque. Rahba, garde la pêche, on a la paille et la canne à pêche. Qui sert Alka, on t'apporte un doux cocktail. J'ai la jura parce que j'ai passé tout le mois tout au Diek. C'est satanesque. Rahba, garde la pêche, on a la paille et la canne à pêche. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka. Qui sert Alka.